Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société. Et aujourd'hui avec Fanny, on reçoit Dominique Busseau. Dominique Busseau qui donc fait partie du studio Happy Bluefish qui est sur Saint-Malo si je ne dis pas de bêtises. Et qui donc fait plein de choses, mais je vais vous laisser peut-être décrire toutes vos activités au sein de Happy Bluefish. Donc c'est sympa déjà parce que j'ai les mêmes sièges au bureau, donc je me sens comme chez moi. Alors Happy Bluefish, c'est un studio que j'ai créé en 2009. Après avoir passé 4 ans chez Manscaped, qui est un gros éditeur de jeux de famille, jeux ludo-éducatifs, toutes les licences à Dibou, etc., Dibou Chou, c'est nous qui faisions ça, et puis des jeux grand public sur Nintendo DS et sur Wii. Et 2009, c'est vraiment l'arrivée du digital, de l'iPad, etc. Et donc j'ai créé le studio Happy Bluefish dans le but de développer des jeux uniquement sur iPad et iPhone, et donc sur mobile. Avec un démarrage sur du ludo-éducatif. Parce que quand j'ai créé en 2009, mon fils était jeune, j'étais un peu dans ce milieu. Et c'est vrai que mon but a toujours été de faire des jeux qui permettent d'apprendre, d'être dans l'aspect ludo-éducatif, avec un acte plus ludo qu'éducatif. Et ensuite, on a évolué rapidement avec à la fois du ludo-éducatif et des jeux, ce qu'on appelle les jeux casual, donc des jeux grand public, sans nécessairement un volet éducatif à l'intérieur. Mais tu as une volonté de faire des jeux qui apportent, on s'appelle Happy Bluefish, parce que on veut pas faire des jeux de guerre, on veut pas découper des zombies et envoyer du sang sur l'écran. Voilà, c'était pas le style, on voulait avoir une certaine ligne directrice qui contient toujours d'ailleurs, qu'on a toujours tenu. Et justement, c'est avec ce parcours, on s'est dit, avec Fanny et aussi Manuel et Séléné, que c'était intéressant de creuser la question de l'accessibilité, puisque ces nouveaux supports de jeux sont très... il y a le mot affordant, où c'est très instinctif, très accessible justement. Et la question de ce jour sera justement l'accessibilité, comment on le met en place, comment on essaye de faire des choses qui nous parlent. Et on en parlait un petit peu hors micro, et le mieux c'est quand même de l'enregistrer, c'est vous participez notamment à un projet autour de l'autisme. Effectivement, c'est quelque chose... Peut-être que le grand public n'est pas forcément très, très vigilant sur ce sujet-là. Comment on parle à ce public assez particulier qui est le public qui est dans la sphère de l'autisme ? Donc là, effectivement, c'est une histoire assez particulière. Donc nous, on a fait déjà des applications ludo-éducatives un peu traditionnelles, je dirais plutôt pour des publics scolaires, ce qu'on appelle du preschool et du school, parce que ce qui est collège-lycée est plus difficile, plus compliqué à faire. Et donc avec un public traditionnel. Et on a été approché par une start-up, il y a 4 ans déjà, qui a été créée par une dame qui a un enfant avec autisme. Et c'est arrivé au moment où en France l'autisme n'était pas du tout bien traité, c'est qu'on vous envoie en gros chez le psy, alors que ça sert à rien. Et c'est le moment où il y a une méthode qui s'appelle ABA, qui a été fortement développée aux États-Unis et qui n'était pas développée en France. Et donc la start-up a été créée avec cette personne et un spécialiste, en gros le spécialiste en France de la méthode ABA. Ils se sont dit les enfants avec autisme, ça a montré que des exercices faits pour eux peuvent être extrêmement bénéfiques. Et donc la SASPET a été créée sur ce projet. Et donc on est le partenaire technologique de cette société. Donc, ce qui veut dire qu'on a à la fois participé à la conception, au développement de la plateforme, avec une première version qui est sortie il y a 3 ans, et là une nouvelle version qui sort. Donc c'est un projet qui est assez important. Alors c'est d'une part des applications sur tablette, avec derrière ce qu'on appelle un back-office web, c'est-à-dire que d'une part ça permet aux pédagogues de l'équipe de Learn Enjoy de créer des activités qui sont justement adaptés pour ces enfants. Donc, je pourrais parler de 3 points un peu importants. Donc, créer des activités qui sont adaptées. Donc, c'est un outil de création qui sont ensuite envoyés sur la tablette, qui peut être utilisé. Et aussi, tout ce que font les enfants, réussite par réussite et remonter aussi sur ce système pour avoir une vision, un suivi de la progression. Puisque c'est une application donc, qui est à la fois utilisée directement par les parents, donc c'est sur l'App Store, c'est disponible en grand public, les parents peuvent la télécharger et l'utiliser, mais c'est une application qui est utilisée dans les centres qui accueillent les enfants avec autisme, et c'est une application qui permet de faire justement des études sur, sur la progression, sur l'intérêt de tel type d'activité, etc. Donc il y a un aspect recherche derrière qui est intéressant. Alors dans ce genre d'application, par exemple avec les enfants avec autisme, un des points clés, c'est que alors là, on avait beaucoup d'aspects ergonomiques. Par exemple, un enfant avec autisme, dès qu'il y a quelque chose qui est sympa, il va vouloir le refaire souvent. Alors bon, quand je dis un enfant avec autisme, il y a différents types, etc. Donc je ne suis pas non plus le spécialiste, mais ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc il est attiré par des choses qui sont très visuelles. Donc si par exemple, dans une application éducative traditionnelle, j'ai réussi, génial, j'envoie plein d'étoiles partout. Là, vous faites ça, ou j'ai un échec, ou j'ai quelque chose. Là, vous faites ça, il va le faire tout le temps pour avoir l'animation. Donc il y avait un gros aspect sobriété qui était important, sobriété, bien régler la réponse. Il y a un aspect régularité, puisque c'était, je sais pas, là où dans une application traditionnelle, quand j'ai réussi, on va plutôt faire une dizaine d'animations, puis on va en envoyer une en random, pour, etc. Là au contraire, pour bien dire t'as réussi, c'est cette animation, t'as pas réussi, c'est ça, voilà. Donc finalement il y a des contraintes, mais que nous on a pu connaître que parce qu'on était avec des spécialistes de l'autisme, quoi. Il y a aussi le fait que dans cette application, il y a un mode accompagné. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, alors ce qui est intéressant, c'est des enfants, mais aussi, il y a aussi des adultes, parce qu'il y a des adultes qui sont avec autisme. Il faut savoir qu'il y a des adultes qui n'ont donc jamais été, ils ont passé leur temps à rien faire, il faut leur apprendre à lever la main pour aller toucher un écran, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... Et donc il y a un mode accompagné où en fait c'est le parent qui est à côté, et qui va valider si la réponse est juste ou pas. Donc soit on a un mode automatique où l'enfant peut être en autonome, et toutes les activités ne sont pas appropriées. Donc certaines activités sont en autonome, parce que on peut, d'un point de vue informatique, dire il a bon ou pas bon. Mais aussi il y a des activités où il faut qu'il y ait le parent qui soit à côté, et c'est le parent qui va dire j'estime qu'il a réussi ou pas, ou bien réussi, etc. Donc ça c'était intéressant, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas nous, d'avoir cette dualité entre mode autonome ou un mode accompagné. Donc voilà un petit peu, donc effectivement c'était vraiment, on était dans un cadre très précis d'une application dédiée à une donc à un certain handicap en fait, hein, un certain problème en fait. Learn and Joy, ok, merci. Et donc là ça a été essentiellement un travail sur l'autisme, mais est-ce que les contraintes de type technique ont dû être prises en compte, notamment le fait que ce soit une application pour pouvoir avoir cette maniabilité, donc le fait que ce soit sobre, régulier. Est-ce que c'était plus facile de mettre en place parce que c'était une appli plutôt qu'un jeu vidéo, console ou ce genre de choses? En quoi le support a pu contribuer à la création de ces contraintes? Alors effectivement, c'est une bonne question. Donc Learn and Joy, ça a commencé il y a pratiquement 4-5 ans, la première version. Et alors oui, effectivement, je pense que le nouveau support, c'était assez essentiel. Je ne pense pas que ça aurait pu se faire avant parce que d'une part, par rapport aux enfants, ce qu'ils font, etc., clairement, rester assis devant un écran, je pense que ce n'est pas évident. Alors d'une part, de toute façon, c'est utilisé dans les familles. Voilà, les enfants, maintenant ça peut être détecté en bas âge, etc. Enfin, ça dépend. Donc, ça veut dire que c'est vrai que la tablette a permis de démocratiser un usage familial, etc., du numérique. Donc, ça, c'est important. Et dans les établissements spécialisés, là aussi, je pense que c'est extrêmement pratique. Après, les tablettes, alors il y a des fois des petits problèmes de connexion. Donc, on a dû faire un mode déconnecté parce que. Et puis après, on renvoie les données parce que des fois, ils sont dans des salles, etc. Il n'y a pas de Wi-Fi partout. Il y a pas... Mais effectivement, le fait que sur tablette, c'est nomade, on l'emmène, l'enfant est là, je pense que ça a contribué. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça aurait été difficile de faire ça, enfin plus pas difficile, mais plus contraignant de le faire sur un ordinateur. Il y aurait eu des postes quelque part, etc. Là, avec la tablette, vous l'emmenez où vous voulez, quoi. Non, je pense que oui, ça c'était c'était vraiment le support idéal pour ça, quoi. Ça me fait penser à une question que j'aurais peut-être dû poser au tout début, puisqu'en fait, justement, vous avez travaillé à l'adaptation de Adibou et Adibou Chou sur l'ADS et sur Wii. Comment ça a évolué la pratique du jeu, et là, pour le coup pour les enfants de manière générale. C'est, alors je sais plus la DS, je sais plus de quand elle date, mais ça, ça a déjà quelques années, et puis la Wii aussi du coup. Alors ça c'est une question, c'est un peu la question sur le ludo éducatif. Tu veux dire sur oui, l'aspect jeu vidéo et c'est encore une fois une bonne question parce que j'ai pas réfléchi avant, donc faut que je réfléchisse. Mais c'est vrai que enfin l'image que j'ai, ce que je vois avant les premiers supports, Adibou tout ça, c'était sur CD-ROM. Je pense qu'il y avait des belles productions avec un certain équilibre. Entre l'aspect ludique, éducatif, le contenu. Avant d'être chez Manscape, moi, on a développé beaucoup de produits éducatifs pour apprendre les langues. On a fait la série des lapins malins, tout ça, et je pense qu'il y avait du beau contenu. Enfin, je veux dire, il y avait du beau contenu. Là, l'époque Nintendo, il y a eu le biais où l'aspect commercial était plus en avant. Voilà, c'était bien, il fallait être sur la DS, sur la Wii, ça portait le côté jeu. Je pense que c'était pas simple. Il y a eu des belles applis. Je crois qu'on a fait un Adibou avec la Wii qui devait être assez sympa dans le corps humain. Enfin, mais voilà, je pense que c'était plus une contrainte qu'autre chose. Et je pense que maintenant, avec les tablettes et mobiles, on revient à la possibilité d'avoir ce qu'on veut et des très belles créations. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a des sociétés qui font des produits, des vrais produits ludo-éducatifs innovants. Innovants, c'est-à-dire qu'on repense vraiment la façon de. Il y a une société qui s'appelle We Want to Know. Ils ont fait une appli pour prendre un peu les maths à des gamins, mais au début on ne sait même pas que c'est des maths, on trie des choses, etc. Enfin, ils ont vraiment repris de la base une approche pédagogique. Donc je pense qu'aujourd'hui on commence à avoir de belles innovations sur comment apprendre avec le numérique. Mais les innovations, parce que c'est des startups qui démarrent en disant on démarre de zéro quoi, en fait. Donc je dirais voilà, l'époque avant CD-ROM tout ça, bon, il y avait des belles productions. Il y a une époque un petit peu, je pense que la Nintendo, la DS, la Wii n'étaient pas nécessairement très adaptées à ça. Je pense que c'était pas le bon support. Et là maintenant avec les tablettes et mobiles, enfin surtout les tablettes, je pense qu'il y a une belle richesse de production. Ça veut pas dire que c'est simple, parce que l'aspect économique n'est pas simple, mais en tout cas il y a une très belle richesse de production quoi, et qui va continuer. Et après, c'est en termes d'interface. J'imagine que l'interface de justement des tout premiers logiciels éducatifs sur CD-ROM à maintenant à l'appli qu'on peut télécharger sur l'App Store ou autre. J'imagine qu'en termes d'interface et d'expérience de comment maintenant on sait que bah, si je peux faire du drag and drop, etc. Comment ça évolue en termes d'interface et d'expérience utilisateur, parce que c'est le terme technique. Alors oui, l'expérience utilisateur, l'évolution a été extrêmement forte. Alors du fait déjà que sur un ordinateur, effectivement, je manie un élément tiers qui doit faire bouger une souris, c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal, etc. C'était pas évident. Là, sur une tablette, j'ai directement l'aspect tactile. Mais ce qui se passe aussi, c'est que très vite, des usages se font naturellement. Vous savez qu'aujourd'hui, vous prenez un gamin de 2-3 ans, vous le mettez devant un journal, il va essayer de zoomer sur une photo ou de changer. Enfin voilà, ça devient comme ça. Et ce qui fait qu'effectivement, les choses ont dû être, repensées. On fait toujours, nous, et enfin tout le monde le fait, un travail. On est extrêmement itératif. On est en développement extrêmement agile et on peut maintenant très vite faire des premières versions qu'on fait justement tester sur cet aspect-là. On appelle ça une first playable, quoi. Le nom playable, c'est déjà jouable. On s'en fiche qu'il n'y ait pas tout, etc. Mais on doit être dans le cœur un peu de ce qu'on appelle le gameplay, de l'interaction. Et donc l'UX, c'est important, il faut faire tester, il faut etc. Donc il y a à la fois des standards, donc les gens sont habitués à slider, vous voyez une image avec des petits points en bas, dont un petit point qui est en surbrillance, on comprend que ça y est, il y en aura d'autres, je slide à droite à gauche. Voilà, ça devient de l'acquis parce que tout le monde l'a sur son téléphone, que ça soit iOS ou Android. Donc il y a des acquis d'usage qu'il faut respecter, donc il faut et puis tester quoi, parce que ça c'est terrible quoi. Vous allez écrire en gros, cliquez ici, puis vous regardez quand on fait des tests. On regarde, puis mais ils cliquent pas. Enfin bon, c'est très intéressant les expériences utilisateurs. C'est très très complexe aussi. Merci. Ben justement, moi, je continue toujours sur cette question, puisque tu disais tout à l'heure que l'appli ludo-éducative avait un aspect back-office web avec une remontée des données, des joueurs et tout ça. Mais est-ce que cette remontée de données a permis d'améliorer le jeu pour ce public-là, en fait, d'autistes, d'enfants, parce qu'ils n'auraient pas eu les mêmes pratiques ou les mêmes réflexes de jeu que d'autres types de publics? Alors oui, ça c'est clair que ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens soit qui ne connaissent pas cette application, alors il y en a d'autres qui font des applications pour enfants avec autisme, en utilisant des applications ludo-éducatives traditionnelles, très vite ça ne va pas fonctionner pour un enfant avec autisme, et puis beaucoup d'applications ne remontent pas de données et ne font pas ce suivi. Donc là, c'est quelque chose qui était assez essentiel. Alors c'est compliqué parce qu'il faut déjà valider le contenu que vous faites. Donc là, c'est pour ça qu'il y a la partie auteur qui permet, par rapport à un public cible, de tester les activités qui sont faites, les interactions qui sont proposées, etc., pour voir si effectivement, déjà, elles sont correctes. Et après, sur cette base qui est correcte, on peut avoir un suivi d'évolution de l'enfant. Et d'ailleurs, ils font des travaux, enfin, c'est des travaux de R&D avec des spécialistes, avec des établissements là-dessus. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'ils mélangent à la fois, ça touche le grand public, vous pouvez télécharger l'application et mettre votre enfant dessus, etc. Et puis, à côté de ça, il y a vraiment des travaux de R&D parce que c'est une vraie méthode qui est utilisée par des professionnels, quoi. Et c'est intéressant parce que ça permet de montrer comment cette méthode fait progresser, parce qu'effectivement ça fait maintenant 4 ans que c'est utilisé et c'est vraiment une progression qui est importante, quoi. Je pense à ça puisqu'il y a mine de rien le fait que ce soit sur tablette et pas par exemple sur ordinateur, ça amène un certain type de, ça amène un environnement. Et en fait, ma question serait, quelles sont les contraintes que vous avez, que ce soit, effectivement, là, le public autiste est très particulier, donc ça amène certaines attentes, mais même sur le public enfant, quelles sont les principales contraintes que vous avez en termes de game design, de gameplay? J'imagine que on va pas faire le même jeu pour un enfant que pour un adulte, par exemple. Alors, en jeu ou en lieu éducatif, voilà. En jeu, ce qui est intéressant, c'est... Même il y a encore 4-5 ans, quand on fait des jeux pour nous, on fait des jeux pour des clients. On a fait des chiffres et des lettres pour France Télévisions, etc. Et souvent, le client avait un petit peu l'approche de dire peut-être qu'on va faire une version plus simple pour les enfants. Et maintenant, c'est le contraire. C'est-à-dire, je vais dire, attendez, non, le gamin, il va vous montrer. Hein. On va faire une version plus simple pour les adultes. Donc ça, déjà, c'est un renversement qui est assez intéressant. C'est que les gamins naissent avec ça. Enfin, moi, mon gamin, il a 14 ans, mais bon... Il y avait une DS, il avait etc. Enfin bon, il naissait avec ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, la difficulté aussi, c'est que justement par rapport au ludo-éducatif où il y a un aspect ludique, c'est qu'à côté de ça, maintenant, il y a des jeux, il y a une offre de jeux de qualité et intéressante. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous essayez d'imiter, de faire un jeu ludo-éducatif avec un peu de partie runner, faire un runner, mais qui vous apprend à compter, etc., si votre runner n'est pas de qualité, il vaut mieux pas, quoi. Donc, du coup, c'est pas simple. Ce que je trouve intéressant, c'est justement des démarches comme We Want to Know, par exemple, qui dit je pars d'un point pédagogique que je veux traiter, de mieux comprendre la géométrie, comprendre quoi, et je pars d'une feuille vierge et je construis quelque chose autour de ça. Donc je construis à la fois de l'interaction, quelque chose de ludique, l'univers graphique, mais je le construis bien, mais pas en essayant d'imiter un jeu, pas en essayant de dire je te mets de temps en temps du quiz et de temps en temps fais une course, du quiz une course, c'est une vraie bêtise, quoi. En disant vraiment voilà comment je veux t'apprendre de façon ludique la géométrie, quoi, hein, comme si j'étais avec mon gosse à côté et puis on y va, on fait des trucs. Et ça, je trouve ça c'est intéressant. Donc ça oblige de redémarrer de zéro, quoi, en fait. Faut pas imiter, parce que à côté, ben voilà, le jeu, il y a du jeu, il y a beaucoup de jeux, les enfants ils les ont, donc c'est, on peut pas être en compétition avec un Clash of Clans ou voilà, c'est pas simple. Mais du coup, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des belles productions de ce côté-là. Productions plus indépendantes, de studios comme nous, de 5-10 personnes, voilà, avec des applications vraiment intéressantes, quoi. Moi, je vais revenir sur le, sur un peu plus sur l'accessibilité en soi, parce que souvent l'accessibilité va dépendre de l'adaptabilité. J'ai du mal à le dire. C'est-à-dire que chaque handicap n'est pas semblable à un autre. Donc, il y a parfois, voilà, il peut y avoir des enfants avec autisme qui vont avoir aussi des soucis de motricité ou un handicap visuel qui va venir s'ajouter un daltonisme ou une malvoyance. Est-ce que c'est pris en compte avec, par exemple, des possibilités de changer les contrastes, d'augmenter les caractères s'il y a du texte, de manière à rendre ce jeu accessible, donc là, pour les enfants autistes, mais aussi un peu plus largement? Alors effectivement, en développement PC, web, etc., donc on donne des consignes, qu'il y ait des textes, etc., mais sur un PC, pour mettre à niveau des options d'accessibilité, c'est pas nécessairement simple, les gens connaissent pas. L'intérêt qu'il y a maintenant sur tablette et mobile, c'est que donc sur iOS, alors c'est vrai aussi sur Android, mais ça peut être plus complexe, parce que sur Android, après, chaque constructeur a son interface. En tout cas, sur iOS, il y a déjà une intégration au niveau de l'iOS, de tous ces problèmes d'accessibilité. Donc, possibilité dans les réglages, de façon très rapide, d'adapter des tailles de texte, de déclencher du text-to-speech automatique, qui se fera quel que soit l'app derrière, de déclencher des aspects luminosité, effectivement. Inverser le contraste. Je crois qu'il y a aussi pour les gens qui... comment c'est quand on confond les... Enfin, on a les couleurs qui... daltonien, voilà, donc il y a un mode daltonien, etc. Et ce qui fait que c'est fait au niveau du... Ce qui fait que pour nous, développeurs, on peut vérifier certains points quand on est compatible, mais en fait, c'est vraiment pris en charge par l'iOS. C'est-à-dire que si pour un mode daltonien, tout ce qui est vert, il va l'afficher en rouge, nous, on n'a rien à faire. Ça sera fait automatiquement. S'il change l'aspect contraste, ça sera fait. S'il change, donc on doit respecter les choses. Par exemple, que les tailles de fonte, si vous ne mettez pas du vrai texte, ça ne changera pas la fonte. Mais sinon, c'est pris en charge par le matériel. Et du coup, je pense que c'est... en tout cas, moi, les retours que j'ai, parce qu'on a fait aussi un autre projet qui était pour des personnes malentendantes. C'est un projet qui consistait à pouvoir faire du langue des signes à distance. Je suis en rendez-vous avec un notaire, je suis malentendant. Le rendez-vous est pris un peu comme avec une application de type Skype, mais qui a été développée spécifiquement. Et à l'autre bout, il y avait quelqu'un qui faisait du signe et qui signait, etc. Donc tous ces problèmes de handicap ont été pris en compte à l'origine, à la fois sur iOS et puis sur Android, mais je connais moins sur Android. Et du coup, je pense que ça, c'est une réelle avancée. Parce que imaginez sur un PC, enfin même sur Mac un peu plus facile, mais sur Windows en tout cas, alors que là c'est vraiment pris en compte. Et pour n'importe quel développeur d'app qu'on suit bien normalement les règles de développement, du coup c'est automatique. Le text-to-speech est important, le fait qu'il y a le text-to-speech, puis il y a le fait que dans un écran une option soit par défaut, donc c'est-à-dire que je peux aussi piloter par la parole, etc. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont donc il faut respecter ça, mais du coup je pense que c'est une avancée par rapport à ça. D'ailleurs, pour le petit mot, alors je suis très Apple, mais il faut dire, j'ai vécu en Californie, j'ai eu la chance de rencontrer Steve Jobs au moment où il s'était fait virer d'Apple et tout ça. Donc j'ai connu moi les débuts, quoi. J'ai eu un Lisa devant moi qui était avant le Macintosh, quoi. Donc je suis très Apple, mais Apple a eu encore récemment, je crois, une distinction sur l'entreprise qui faisait, sur l'aspect accessibilité, qui faisait des efforts dans ses produits pour l'accessibilité. Ils ont plusieurs années de suite gagné. Parce que c'est vrai que c'est un point dont ils tiennent compte. Je pense ça parce qu'on a évoqué le changement de couleur. Et en même temps, je crois me souvenir que vous avez travaillé avec la maison d'édition qui fait Astérix, si je ne dis pas de bêtises. C'est quelle maison d'édition ? Albert René, voilà. Voilà, le détenteur des droits de... Avec Hachette, voilà, c'était ça. Effectivement, vous avez travaillé donc avec Hachette et donc Albert René qui détient les droits de l'univers Astérix. J'imagine que si on change les couleurs, ils ne doivent pas être très contents. Comment on arrive à négocier ça? Oui, alors ça, là, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire que, je vous dire, je ne pense même pas qu'ils soient conscients que ça soit faisable. Bon. Mais c'est vrai que, en plus, c'était une application, un jeu un peu à la Où est Charlie, où il y avait des superbes planches qui avaient été faites par les auteurs et où il faut trouver des choses. Et ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, effectivement, sur une des planches, il y avait un personnage tout en bas, tout petit, qui était bizarre, et notre graphiste l'avait un peu modifié. Et là, on n'a dû surtout pas toucher, effectivement. Donc, on ne doit même pas toucher un trait de quelque chose. Ils sont extrêmement, effectivement, sensibles à ça. Mais le coup des couleurs, je pense que, enfin, un, on n'y a pas. pas pensé, on leur a même pas posé la question, et je pense qu'ils ont même pas conscience de ça. Quoi. Parce que du coup, ça pose la question pour vous, vos propres jeux. J'imagine que ça doit demander de la part de vos graphistes, de vos illustrateurs, un travail peut-être une gymnastique de se dire bon, alors il faut que je pense aussi à ceux qui ont un handicap visuel. Oui, alors c'est une bonne question et je dirais c'est un peu mea culpa parce que j'avoue qu'on se repose sur le fait que l'OS permettant de traiter les choses en amont. Du coup, on s'en occupe moins, mais normalement, on devrait. Parce que, par exemple, effectivement, par rapport au choix de couleurs, des types de couleurs, etc., même si le système change, on devrait vérifier. Donc, j'avoue que... Mais c'est vrai qu'on se repose un peu sur le système qui, déjà, a plein de fonctions et on vérifie que ça fonctionne bien. Quand on fait nos tests, on teste qu'éventuellement, si je veux changer des choses, il n'y a pas d'effet de bord, quoi. Mais je pense que c'est un peu moins compliqué par rapport à avant, justement, parce que les choses sont prises en charge. Et ben, si tous les pixels bleus, il faut les afficher en rouge, bon, ben... Nous, ils sont affichés en rouge, c'est pas grave. Ouais. Ouais, okay. Oui, non, en fait, je voulais aussi parler gameplay, mine de rien, parce qu'on on a effleuré là pour l'instant. C'est comment on fait un gameplay pour enfants, ce qui est très particulier parce que on l'a évoqué, il a des codes que parfois nous adultes on n'a pas encore ou on n'a pas. C'est quelque chose, une petite gymnastique mentale qui pousse la curiosité en tout cas. Alors dans du jeu ou dans du ludo éducatif? Alors, je ne sais pas si on se pose la question lorsqu'on fait. Je sais pas si on. Alors, qu'on fait pour enfants, le gros point. Alors, le gros point, c'est les premiers âges. Il y a des changements énormes. Et par exemple, quand c'est quelque chose qui va être utilisé par des enfants en bas âge, déjà ils lisent pas. Donc, il y a des fortes contraintes sur il faut comprendre sans lire, etc. Donc, on est plus sur la capacité mentale, la représentation mentale. Qui peut être assez, hein, tant qu'on est dans les 4, 5, 6 ans, 7 ans. Bon, après 8 ans, 9 ans, ça y est, ça commence à être... Donc on est plus là-dessus. Sur le gameplay, c'est une bonne question parce qu'on a plutôt tendance à le penser par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vivre. Et je vais donner un exemple qui est assez marrant. On a acquis les droits, nous, de faire les jeux sur la licence Minuscule. Donc Minuscule, c'est la petite série animée avec des animaux en 3D. C'est vraiment une superbe série faite par un Français. En fait, donc c'est une série qui est diffusée, passer des cours de 4-5 minutes, plutôt en France en tout cas, sur des chaînes enfants, Gulli, etc. C'est une série qui est diffusée dans 80 pays. Il y a d'autres pays où c'était diffusé vraiment sur n'importe quelle chaîne. Lorsqu'on a fait le premier jeu qu'on a fait sur Minuscule, on a fait un jeu enfant avec donc toutes les contraintes. Il y a des fortes contraintes quand vous faites un jeu pour enfants jusqu'au moins de 13 ans sur l'App Store, aucune pub, un achat interne doit être protégé par un contrôle parental, pas de Facebook Connect, pas de choses comme ça. Il y a des très fortes contraintes, sinon vous ne pouvez pas être dans la catégorie enfant. Et lorsque le jeu est sorti, on s'est rendu compte, parce qu'on a des analytics derrière, on voit un petit peu ce qui se passe, on s'est rendu compte qu'il était joué à plus des deux tiers par les parents des adultes. Et très vite, on a fait en fait une version en fait non-enfant. Quoi. Alors, c'était pas tant sur le gameplay, parce que je pense que les enfants sont même pas plus difficiles, ils sont non plus faciles parce qu'ils apprennent vite, ils essayent, ils ont pas peur. Donc c'est pas pour le gameplay, c'est plus pour l'aspect économique, parce que les jeux ludo-éducatifs, la monétisation, pouvoir gagner de l'argent avec un jeu ludo-éducatif, c'est très difficile parce que justement il y a plein de contraintes, parce que donc on est sur des formes qui seront plus d'agréger plusieurs applications avec abonnement, etc. C'est compliqué. Alors que dès qu'on a fait la version grand public, on a pu vraiment se sur essayer d'optimiser, de voir ce qui se passait dedans, de faire une boutique interne, de faire de la publicité, etc. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à aller très fort sur l'aspect jeu casual, le jeu grand public, parce que voilà, économiquement, il y a des choses intéressantes qui se passent. Et le marché ludo-éducatif est complexe. Après, il y a des solutions qui existent, sont intéressantes, par exemple des tablettes dédiées. Il y a une boîte française qui s'appelle, je crois, Kidoz. Ils ont une tablette dédiée parce que cette tablette dédiée, c'est pas que... Bon, c'est une tablette un peu sympa, colorée et solide, mais c'est surtout que directement, il y a un ensemble de jeux qui ont été sélectionnés. Il y a du contrôle parental direct. Donc ça, c'est intéressant. Et là, pour un éditeur de jeux comme nous, on peut avoir notre application dans cette tablette. Et puis après, ben voilà, c'est à l'usage. Et puis, mais économiquement, c'est pas simple. Donc c'est plutôt ça. En termes de gameplay, je dirais l'enfance, ça sera plus facile. Parce qu'ils c'est comme ça qu'ils apprennent. Ils apprennent par l'essai, quoi. Ils essayent en permanence. Ils n'ont aucune peur de l'échec. C'est comme ça c'est pour ça qu'à l'école, c'est l'école des, enfin bon, c'est d'autres débats. C'est pour ça que l'école n'est plus adaptée, parce que l'école c'est qu'avec l'échec. Mais ils apprennent l'échec. On apprend par l'échec. Ah oui, je fais comme ça. Bah oui, je fais comme ça. Puis là, j'y arrive. C'est comme ça qu'on apprend, et beaucoup de gens. Et donc, du coup, je pense que les gosses, c'est beaucoup plus facile. Ouais, pour les adultes, c'est plus compliqué. Après, maintenant, il y a une démocratisation parce que de plus en plus d'adultes jouent. Et du coup, ils apprennent, etc. Mais c'est assez marrant, quoi. Mais non, les enfants, ils sont très demandeurs. Ils sont très... c'est assez marrant. Ça plaît pas, etc. C'est intéressant, quoi. C'est vraiment un public particulier, quoi. C'est très bien. Justement, moi, je continue là sur les enfants. Je me dis, il y a un travail de développement, faut scénariser les jeux et tout ça. Et je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas. C'est plus simple de faire jouer un enfant, mais est-ce qu'il n'y a pas plus de travail derrière? Parce qu'il faut un jeu encore plus de qualité que pour un adulte, parce qu'il y a un aspect apprentissage, il y a une pédagogie derrière qui est importante. Et du coup, je me dis, il faut quelque chose qui soit encore d'une meilleure qualité que ce qu'on va proposer à un adulte, vu que c'est pour des enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, moi je pense qu'ils sont, oui, ils sont plus difficiles, ils sont plus, à la limite un adulte va dire bon, ok, c'est... Mais oui, l'enfant, il va être plus difficile, quoi, plus exigeant, hein, ça c'est clair. Hein. Et donc du coup, ce que je voulais dire, c'était... votre question, c'était sur... Ta question, c'était... Faut que ce soit... Alors, je pense que, ouais, voilà, alors le... Nous, quand on a commencé, on a fait une série qui s'appelait Les Dexplorers. Et alors, on s'était dit, on va prendre un point qui est... on s'était rendu compte que des applications pour apprendre à lire, il y en a pas mal qui en faisaient, etc. Souvent un petit peu la même chose. J'ai le texte, je surligne les verbes, etc. Bon. Et on avait vu des rapports qui disaient qu'un des problèmes qu'il y avait en France et dans beaucoup de pays, c'est pas tellement la lecture en tant que telle, c'est la compréhension. Voilà, c'est pas une compréhension. Et du coup, on est parti, comme je disais, de zéro. On s'est dit, ben du coup, on va avec nos personnages, on va créer des histoires. Et ce qu'on va faire, c'est que dans l'histoire, il va se passer quelque chose. Et en fait, on va donner des indices, mais avec des explications en texte. Et du coup, il faudra comprendre un peu l'histoire et comprendre les textes pour pouvoir résoudre des énigmes et avancer dans l'histoire. Donc du coup, on a créé une méthode qui consistait... Donc effectivement, c'est plus complexe dans le sens où il faut à la fois, comme tu disais, une réalisation de qualité parce que les enfants sont exigeants, ils veulent, etc. Et derrière, on a dû se casser la tête en se disant, bon, ben on va derrière. Notre but, c'est d'améliorer la compréhension de la lecture, de l'écrit. Et donc derrière, il faut suivre ça, il faut créer l'histoire, travailler avec des pédagogues, créer l'histoire, etc. Donc on a les deux difficultés. Parce qu'on a quand même la contrainte, effectivement, du jeu lui-même, ça doit être attractif, facile, ils ne doivent pas s'ennuyer, etc. Comme dans un jeu. Et en plus, derrière, on a l'aspect pédagogique qu'il faut faire. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué à faire. Puis les équipes sont très très variées, c'est-à-dire que déjà dans du jeu, on a des équipes variées, game designer, développeur, graphiste, etc. Mais en plus, vous avez des pédagogues, des profs. Mais ça marche très bien. Nous, on a toujours trouvé des profs super impliqués, super motivés. Ça, c'est souvent une belle expérience quand même. Mais c'est intéressant, quoi. C'est vraiment. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Je pense que c'est difficile. Et en plus, sur un marché qui est complexe à monétiser. Donc c'est pas simple. Mais il y a des belles créations. Donc, je sais pas comment ça va évoluer le marché. Il y a des pépites qui sortent. C'est marrant parce que j'allais poser la question, comment se passe la rencontre entre des game designers et des professeurs, des pédagogues, parce que c'est deux corps de métier très différents, avec des pratiques, des habitudes de travail aussi très, très différentes. Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui avaient une expérience ludo-éducative. Hein. Il y a des gens qui ne font pas du tout de ludo-éducatif. Moi, j'en avais fait dans ma première société, donc chez Mindscape, on en faisait. Donc, on a une sensibilité par rapport à ça. Il y a des gens qui font que ça, qui sont très spécialisés. Nous, on ne fait pas que ça, mais il y en a d'autres. Moi, je connais quelques studios à Paris qui font vraiment que des applications ludo-éducatives et qui vont même vers le serious game. Parce que là, financièrement, ce qui vous permet en revanche de pouvoir facturer et payer vos propres factures, c'est ce qu'on appelle le serious game. Donc, il reste de l'éducatif avec du jeu à des fins. Voilà, ça reste le même domaine en fait. Donc, il y a d'ailleurs certaines sociétés ont un pédagogue en interne, un instructional manager, quelqu'un, voilà. Nous, on l'a jamais eu parce qu'on était dans des sujets différents. Donc, en fonction, on prenait un référent du domaine ou qu'on travaillait pour un client, c'est le client qui avait le pédagogue. Mais certaines sociétés ont un pédagogue en interne, donc qui est intégré. Alors, ça peut être un game designer qui a été sensibilisé à ça, qui a été formé à ça, ou ça peut être directement une personne dédiée à l'aspect pédagogique. Dès que vous avez une boîte de 10 personnes environ, un studio de 10 personnes qui fait que de du lieu éducatif au sens large, que ce soit la formation, Serious Game et tout, il y a généralement un référent pédagogique, quoi. Quelqu'un qui a fait les études sur justement, enfin des études de pédagogie et adapté le numérique à la pédagogie. Mais oui, effectivement, ça, c'est intéressant de ce côté par projet, on a une équipe, enfin on a des intervenants, des pédagogues ou des professeurs ou les deux qui viennent. En fait, ma question était plus peut-être on a parfois certains réflexes en termes de travail. Enfin, j'imagine qu'un game designer va penser peut-être tutoriel alors qu'un pédagogue ou un professeur va penser plutôt comment dire parcours pédagogique. C'était plus sur ces questions-là. J'imagine que c'est pas forcément le même vocabulaire. Et comment on arrive à travailler ensemble malgré ces habitudes de travail différentes ? Alors, de l'expérience qu'on a, c'est vrai que souvent, alors déjà naturellement, les pédagogues. Moi, ce que j'essaye, c'est parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir en référence ce qu'ils ont vu. Et donc ils disent ah ça serait bien que on ait des quiz comme ça, des machins. Donc ils vont avoir en référence ce qu'ils ont vu, ce qui est limitatif parce que ça reste dans ce qui a été fait ou etc. Et ce qu'on essaie de faire et ce que fait un bon game designer et aussi un chef de projet comme avec un client, c'est de dire mais oublie les autres produits ou quoi et dit voilà tu on veut faire passer ça, on veut faire apprendre ça etc. À la limite comment tu le ferais là avec toi avec du papier crayon. On essaie de la ramener à l'acte de base de faire apprendre. Parce que sinon, ils sont trop... autant le game designer, où nous, on peut être habitué à essayer d'inventer, de se dire, tiens, on va imaginer ça, etc. Autant, c'est normal, un pédagogue, il est déjà lié à ce qu'il a vu, quoi, en fait. Donc, on essaie de le détacher de ça, de le faire revenir à... Faisons ça avec du papier crayon. Oui, du coup, le fait d'être sur une application de tablette ou de smartphone, donc quelque chose qui est très manuel mais tactile, ça peut permettre aussi d'aider à ce retour aux choses parce qu'il y a l'aspect matière qui est là en fait. On n'est pas c'est pas un écran qui est loin qui est loin, celui de la télévision, même celui de l'ordinateur où il y a un clavier entre la personne et son écran. Là, on est sur un applicatif qui est directement tangible puisqu'on va pouvoir le bidouiller au sens strict du terme. Du coup, est-ce que cet aspect-là, il faut le réapprendre aussi aux pédagogues qui ont l'habitude d'avoir leur support papier, leur support clavier ou quoi que ce soit pour leur dire non, mais on revient à l'essentiel. Clairement, hein, clairement. Alors c'est là où on les ramène à un usage pour dire parce que par exemple, il faut les anciennes méthodes, des questions, etc. Ça fonctionne pas. Et là, il y a tellement d'autres puissances. Comme tu disais, c'est tactile directement. Imagine par rapport à la géométrie en maths. Je veux dire, voilà, tiens, je pose là, j'étire mon triangle, je fais ça. Tiens, quand je l'étire comme ça, il est rectangle. On imagine ce qu'on peut faire en manipulant un rectangle, ce qu'on peut faire apprendre, ce qu'on peut faire. Tu vois. Et donc ça, effectivement, il faut. Alors il y en a qui arrivent. Oui, je prends un crayon, donc on les refait revenir à la base et derrière on peut imaginer des gameplays, des interactions qui sont super sympas. En géographie, t'imagines un paysage où... Moi je me souviens, alors ça avait été fait, c'était une boîte qui s'appelait Montparnasse Multimédia, c'était un premier CD-ROM qui a été fait sur l'histoire de France. Mais ce qui était génial, c'est que c'était une timeline complète. Mais quand j'avais vu ça, une timeline, donc je voyais 900, 1000, 1200, 1300, et puis sur la timeline, que je scrollais comme ça à l'écran, je pouvais faire apparaître les éléments littérature, tiens, tel auteur, des savants, puis à un moment, tous en même temps, ah bah tiens, enfin, c'était, j'ai dit, mais pourquoi on m'a pas appris l'histoire comme ça ? Donc c'est là où le médium permet d'apporter quelque chose qui est vraiment... et là, actuellement, oui, je pense que sur tablette, il faut réinventer la façon d'apprendre les choses. Il faut revenir à la base. C'est vraiment de la pédagogie. La pédagogie, c'est de la pédagogie à l'état brut. C'est de réinventer. Il faut oublier ce qui avait été fait avant. Il faut réinventer. Quoi. C'est vrai que c'est un médium qui est vraiment et qui permet la manipulation. On manipule et ce qui est, on trie, on fait à droite. Alors c'est ce qu'on fait dans l'application pour les enfants avec autisme. On peut trier, etc. On met à droite, à gauche, on met, etc. Je vais voir derrière, je déplace, je vois un décor, je vois une timeline, je vois. C'est vraiment intéressant, quoi. Il faut abstraire les gens de la façon dont c'était fait avant. Et d'un autre côté, vous dites que vous, des fois, vous retournez à papier, crayon, carton. Est-ce que vous avez déjà eu envie, peut-être, de tester le jeu de société où là, c'est, voilà, c'est des pions, des bouts de carton qu'on met en scène et qui créent du jeu et aussi de la pédagogie, pour le coup? Alors, ça c'est intéressant parce qu'on travaille actuellement sur un projet qui n'est qu'un projet, qui n'est pas encore sorti, etc. Où, en fait, sur le cœur un peu du gameplay, on l'a fait en papier, etc., pour y jouer comme ça, comme un jeu de société. On en a fait une mini-version jeu de société pour tester un petit peu le gameplay, pour tester un petit peu et tester avec d'autres gens facilement. Maintenant, on a développé une première démo un petit peu, mais on a commencé comme ça à le faire en papier-crayon. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore assez exploité, mais moi je trouve que c'était très intéressant pour se rendre compte. Alors là, c'était surtout adapté au type de jeu qu'on voulait faire. Mais dans le même style, on a une expérience à Saint-Malo. Il y a un gars qui est, tu dois certainement connaître, qui est un créateur de jeux de jeux de plateau, etc. Comment il s'appelle ? Mais il est très connu et il est édité par. Il crée plein de jeux. Il est édité par Hasbro, par tout. Il travaille avec tous les éditeurs. Il va dans tous les salons mondiaux. Mince, comment il s'appelle ? Et donc c'est un créateur de jeux génial. Il a plein de jeux. Enfin, moi je les vois. Roberto Fraga. Voilà, Roberto Fraga. Et alors, ce qui est intéressant, il est venu nous voir il y a quelques années parce que, évidemment, lui, quand il signait avec un éditeur sur un jeu, en petit, il avait marqué que l'éditeur avait tous les droits numériques et tout ça. Mais après, il a commencé à faire attention. Il avait des jeux où il avait donné la licence pour faire la version papier. Mais on a réfléchi avec lui à faire des versions tablettes de certains jeux. Et c'était une expérience super intéressante. Il n'y a rien qui est encore sorti, en fait. C'était un peu compliqué, etc. Mais c'était super intéressant. Surtout que ce qui est intéressant par rapport à du genre société, c'est que maintenant, les gens ont facilement chacun mobile. Donc, on peut assez facilement avoir un jeu où, en fait, les choses s'affichent sur chacun à son mobile et les choses s'affichent à chacun. Donc, l'interface de jeu, c'est pas ça. C'est nos quatre mobiles ensemble qui communiquent. Donc, toi, à la limite, tu vois tes cartes, tes machins, tu vois tes trucs, on met une tablette au milieu. Donc, on commence à avoir aussi des idées intéressantes de facilement avoir un jeu qui va utiliser 2, 3, 4 devices placés comme ça. Donc, qui peut faire une interaction très sympa, etc., quoi. Donc ça, je pense qu'il y a certainement des choses à faire. Et puis il y a des très belles réalisations. Enfin bon, il y a le fameux Monopoly, bon, qui est connu, mais enfin quand vous regardez la version Monopoly sur iPad, enfin la qualité de réalisation, d'animation, etc., tout en restant très fidèle. C'est on a l'impression d'avoir, hein, d'un point de vue graphique, ils sont restés extrêmement fidèles. Et c'est vrai que c'est une. Mais je pense que là, il y a des choses intéressantes. Ouais. Non, en fait, oui, il y a cet aspect, et ce qui, du coup, mène à un autre type de jeu, et on en a parlé un peu avant, hors micro, c'est les jeux où on est, certes, sur notre tablette, sur notre mobile, mais aussi à côté du copain, où on va se déplacer. Le cas de Pokémon Go a pas mal ouvert les yeux à beaucoup de monde là-dessus. Comment ça change nos pratiques en termes de jeu et aussi d'accessibilité de jeu aussi, enfin, le fait de on est un copain qui peut nous aider, qu'est-ce que ça change en termes de comment je conçois et comment je réfléchis au jeu que je vais faire? Alors, ça, c'est un point qui est intéressant parce que, après, avec la réflexion, c'était un peu étonnant que personne ne l'avait fait avant. Parce que, un des points clés de ce qu'on appelle un petit peu la transformation numérique aujourd'hui, c'est que les gens ont le mobile dans la main et c'est bon, qu'ils peuvent faire plein de choses, partager, aimer, ne pas aimer, acheter, vendre. Mais surtout, ils peuvent faire ces choses n'importe quand et n'importe où. Et dans le jeu, ça, ce n'importe où avait peu été exploité, surtout le fait d'exploiter le lieu où je suis. Donc ça a été l'extrême riche idée de Pokémon. Alors c'est vrai que Pokémon, c'était aussi ça, ça se combinait bien. C'est de lier un jeu avec son environnement réel, quoi. Et c'est vrai que ça a été formidable parce que là, il n'y a jamais eu une telle croissance. Moi, j'avais les chiffres sur ce qu'ils avaient prévu au niveau des serveurs. En fait, en moins d'une, ils avaient un scénario normal et le scénario au pire si ça marchait bien. Au bout de 15 jours, c'était 50 fois le pire. 50 fois le pire. Et c'était incroyable. Parce que c'est tout, mais c'est pour un truc tout simple, c'est l'usage. C'est, ah bah tiens, tu vas à côté, là, il y a un truc. Et puis c'est marrant, je veux dire, moi-même dans Rennes, j'ai découvert des endroits, j'ai découvert des choses, on lève la tête, etc. C'était... Donc ça, je trouve ça, après avec le recul, on se dit, pourquoi ça peut être exploité plus tôt ? Parce que c'est un des points clés, c'est qu'on l'a avec nous dans la main. Alors après, bon, ça s'est un peu calmé, ça s'est, etc. Mais je trouve qu'il y a, il y a des choses à faire. Nous, on réfléchit là-dessus parce que je trouve maintenant que voilà, l'intérêt de ça, bah, c'est que je l'ai avec moi. Et donc, comment l'utiliser pour faire un jeu, mais qui... Voilà, qu'il soit pas trop intrusif, qu'il soit pas, etc., mais qu'il exploite le fait que, tiens, à un moment, je suis quelque part, à un moment. Là, le fait, par exemple, dans Pokémon Go, de voir quand je marche, les œufs vont éclore, il faut avoir marché un certain temps, tout ça, c'est des idées qui sont intéressantes. Alors, il y a des gens qui font ça, je crois que c'est Runtastic, qui a une application de course, qui commence à la gamifier un petit peu, donc, du coup. Mais je trouve que là, il y a des choses intéressantes, quoi. Mais de toute façon, l'usage, comme ça, il faut qu'il arrive, hein, c'est pas simple d'anticiper. Mais ça a été le gros point de Pokémon Go, parce que l'aspect réalité augmentée n'existe pas. Il n'y a pas de réalité augmentée. Non. Ils mettent une petite image par-dessus et personne l'utilise. Donc ça, c'était vraiment cet usage différent où il faut sortir, être en lien avec le réel, quoi. Et donc c'était un sacré pari qu'ils ont fait pour faire ça dans le monde entier. Enfin, c'était vraiment. Donc je pense que là, il y a aussi certainement beaucoup de choses à explorer ou à faire ou à réfléchir. On a débordé de l'accessibilité, mais justement, on a ouvert des pistes et c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Dominique Busseau. Et ben, je vais laisser à Fanny la question traditionnelle de fin. Et voilà, avant de se quitter. On t'a pas prévenu, en fait. On a une petite question qu'on pose à tous nos invités. C'est une expérience de jeu qui t'a marqué. Si tu pouvais nous en faire part, voilà. Alors du coup, ce que je vais dire, c'est que c'est plutôt que je joue maintenant depuis plus de 2 ans à un jeu que je lance 3-4 fois par jour sans m'en lasser. Alors c'est Boom Beach, donc c'est pas Clash of Clans, c'est Boom Beach, mais c'est un peu du même style. Avec un des points clés, c'est que dans Boom Beach, j'ai un clan, on est une dizaine. On se connaît pas, il y en a un qui est en Algérie, il y en a 3 à Paris, etc. Mais depuis 2 ans, c'est comme si on se connaissait. Et d'ailleurs, on va certainement se rencontrer tous à Paris. On s'est fait un WhatsApp à côté pour discuter, parce qu'on peut chatter dans le jeu, mais à côté. Et c'est vrai que ce jeu, donc déjà, voilà, la façon dont il est fait, il est accessible, il est bien. Je fais mes attaques, mes défenses, etc. Mais surtout avec ce groupe, c'est la première fois que je joue comme ça, avec régularité, à un jeu depuis plus de 2 ans. Je m'en lasse pas, je suis content de tous les jours de le lancer un peu. Il est vraiment fait, enfin voilà. Donc je dirais l'expérience, ça serait ça. Parce que j'avais jamais eu ce lien comme ça avec un jeu aussi longtemps. Du lien, et eh ben ça c'est beau comme pour terminer ce podcast. Et du lien avec des gens, mais oui, c'est effectivement, c'était du lien entre des êtres humains qui jouent à travers le monde, et ça c'est quand même plutôt une jolie conclusion. Merci encore, et nous on se retrouve dans 15 jours, comme chaque dimanche, pour un nouveau podcast de Ludologie. Au revoir.